Je suis sur l'autoroute A40 qui mène vers Genève. Une sorte de bouillabaisse faite d'eau et de neige tombe du ciel et gicle des pneus des voitures. La visibilité est médiocre. Dans ces conditions atmosphériques, la vitesse est réduite à 110 km/h maxi au lieu de 130 km/h, que ce soit conducteur débutant ou conducteur confirmé. Je n'ai mon permis que depuis 3 mois. Que je me sente à l'aise ou pas dans ces conditions, rien ne m'empêche par prudence de rouler moins vite, à 90, voire 80 km/h. Réponse A, C et D.